Radiomatique. We'll be right back. La transmission 485 d'Audiomatic s'ouvrait sur la pièce Bitter End, composée par le projet Cyberactive et tirée du tout nouvel album intitulé End Game. Mentionnons que le projet Cyberactive est apparu en 1990 d'une collaboration entre Bill Leeb et Rhys Fulber de la formation Frontline Assembly, ainsi que Kevin Key et Feu Dwayne Guttel de la formation Skinny Poppy. À l'époque, un seul album a été produit, soit Tenebra Vision, en 1991. Et après tout ce temps, se sont réunis Leeb, Fulber et Key pour nous offrir cet album Endgame, sorti le 2 février dernier. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain All Them Witches d'assurer la continuité à Audiomatic. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic au groupe américain originaire de Nashville, All Them Witches, de son mini-album Effervescent. Paru en 2016, nous vous avons présenté la pièce-titre. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du projet Barro Fondo. Yeah. Audiomatique, nous venons d'écouter la formation REM et la pièce titre de l'album Accelerate, publié en 2008. C'est l'avant-dernier album avant la séparation du groupe en 2011. Avant REM, c'était la formation new-yorkaise Soundpool et sa pièce But It's So, tirée du dernier album qu'elle a produit en 2010, à savoir Mirrors in Your Eyes. Et pour amorcer la séquence, nous entendions le groupe Barro Fondo, qui est formé de musiciens argentins et uruguayens. De l'avant-dernier album Presente, paru en 2013, c'était la pièce Cuesta Arriba. Cette transmission d'Audiomatique se terminera sur une composition de l'artiste Robert Rich. Nous entendrons la pièce « A Flock of Metal Creatures Fleeing the Onslaught of Rust » qui est originalement apparue exclusivement sur la compilation 10e anniversaire de l'étiquette de disque Multimode en 1998. La pièce a également été rendue disponible parallèlement sur l'anthologie « Below Zero » de Robert Rich. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Robert Rich et sa composition A Flock of Metal Creatures Fleeing the Onslaught of Rust. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.